La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, mardi, deuxième moment de notre cycle Gabriel Garcia Marquez dans la compagnie des auteurs, une émission qui vous est proposée par Laurence Genepin, Laurence Millet, Stéphanie Vélin, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault et Jean-Frédéric. La vie n'est pas ce que l'on a vécu, mais ce dont on se souvient et comment on s'en souvient. Cette phrase en exergue de l'autobiographie de Garcia Marquez raconte beaucoup de choses sur l'écrivain colombien. Comment il a grandi dans les histoires et la magie dont ses grands-parents l'enveloppaient. Comment il a préféré la fiction à la vie d'une certaine manière en faisant le choix de la pauvreté pour avoir le temps d'écrire ses romans jusqu'au succès de 100 ans de solitude. Comment il ne s'est jamais réellement confié sur sa vie malgré son autobiographie par pudeur et parce qu'il préférait la rendre plus littéraire. Tout cela, Annie Morvan nous l'a expliqué dans l'émission d'hier. Vous pouvez la retrouver en podcast. Demain, nous ferons avec Caroline Lepage une biographie de l'œuvre marquésienne. Et jeudi, Gustavo Guerrero nous parlera de son Garcia Marquez, de Chronique d'une mort annoncée et, de manière générale, de la place de l'écrivain dans la littérature latino-américaine. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler du recueil de nouvelles de Garcia Marquez, Les funérailles de la grande mémé, nous serons en seconde partie de cette émission après la chronique de Marianne Payot avec l'universitaire Vincent Message. Et en première partie, autour d'un autre de ses romans, L'automne du patriarche, nous sommes avec Rémi Astruc, professeur de littérature francophone et comparé à l'université de Cergy-Pontoise, auteur de l'essai Vertige grotesque, esthétique du choc comique, publié en 2012 chez Honoré Champion, dans lequel il analyse plusieurs œuvres de différents auteurs vus sous cet angle, justement, du grotesque. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Gabriel Garcia, une question littéraire. Quel a été l'écrivain qui a eu la plus grande influence sur ta vie littéraire ? De veras. Gabriel Garcia Marquez. Si tu veux que je te dise vraiment la vérité, eh bien c'est Gabriel Garcia Marquez. Et ce n'est pas être insolent. Le métier d'écrivain est une des plus solitaires du monde. Bien sûr, on reçoit de l'aide de tous ses amis cultivés, de tous les livres que l'on a lus, de tous les auteurs que l'on connaît. Mais à l'heure fatidique, face à la page blanche, on ne peut compter que sur soi-même. Bonjour Rémi Astruc. Bonjour. Il y a quelque chose d'un peu absurde dans cette déclaration de l'écrivain. Vous n'iriez pas jusqu'à y voir du grotesque peut-être ? Je crois que le grotesque, il est présent dans les livres, mais il nourrit l'imaginaire de part en part de l'auteur et qu'effectivement, c'est un univers dans lequel il baigne. Lui-même, c'est une personnalité qu'on pourrait qualifier par certains aspects de grotesque, d'exubérant dans tous les cas. Oui, alors exubérant, mais c'est une des limites des catégories que j'essaye de préciser moi quand je parle de grotesque. Donc ça s'adresse plutôt à de la fiction ou éventuellement quand c'est dans la vie, c'est des phénomènes extrêmement spectaculaire. Je ne crois pas qu'une personnalité en elle-même puisse mériter ce qualificatif de grotesque. C'est toujours négatif quand on parle de quelqu'un grotesque. Oui. En tous les cas, si il y a une personnalité un peu grotesque chez Garcia Marquez, elle s'exprime littérairement dans L'automne du patriarche, livre dont on va parler en particulier aujourd'hui. On va peut-être commencer par le présenter un petit peu, ce livre, Rémi Astruc. Il a été publié en 1975. On est 8 ans après 100 ans de solitude. Entre ces deux romans, il y a eu un recueil de nouvelles qui s'appelle L'incroyable et triste histoire de la candide Erendira et de sa grand-mère diabolique. Les liens entre ces deux romans, ils vous semblent évidents ? Alors, évident, bien sûr, parce qu'on retrouve évidemment le style, l'exubérance dont vous parliez de Garcia Marquez. Mais il me semble qu'il y a un infléchissement tout à fait singulier dans cette œuvre qui est l'Automne du Patriarche et qui le différencie aussi bien de Cent ans de solitude, qui vient avant, que de L'amour au temps du choléra, par exemple, qui vient plus tard. Et plus classique pour le coup, L'amour au temps du choléra. Précisément, qui sont pour moi des romans qui ne sont pas grotesques, qui sont plus proches du réalisme magique, justement, d'une forme d'enchantement de la réalité, mais qui ne va pas jusqu'à un débordement, un vacillement, qui me semble pour moi propre grotesque, et qui est exactement ce qui fait de cette œuvre, L'automne du patriarche, un roman si singulier. C'est une question de degré entre le réalisme magique simple et le grotesque dont on va parler. Alors, il y a une question de degré, parce qu'effectivement, il faut pousser jusqu'à un certain point le réalisme magique pour qu'il devienne étouffant, pour qu'il devienne justement la source d'un vertige et non plus seulement d'un enchantement. Et ça, c'est effectivement le cas dans ce roman particulier. Et puis, il y a aussi dans le grotesque, forcément, une dimension de condamnation morale. Il y a une reformulation des catégories du pur et de l'impur, du supportable et de l'insupportable. C'est pour ça que c'est une esthétique qui se développe à la fois du côté du rire et à la fois du côté de l'horreur, en mélangeant les deux. Vous diriez qu'il est allé plus loin, qu'il a poussé son système plus loin avec L'automne du patriarche qu'avec Cent ans de solitude, par exemple. Je dirais que c'est des directions différentes qui sont poussées l'une comme l'autre, le plus loin possible dans ses romans. Ce sont des choix esthétiques, en fait. Il n'a pas la même ambition quand il écrit L'automne du patriarche, qui est ce roman sur la dictature, que quand il vise à enchanter dans Cent ans de solitude, par exemple. Parce qu'on ne sent pas forcément la politique dans L'automne du patriarche, même si elle est très présente justement par le grotesque, mais c'est un petit peu caché quand même, ça fait ouais, y a un paravent. Et tout à fait, mais ça c'est une remarque extrêmement intéressante et importante, c'est que le grotesque n'affiche jamais son jeu. C'est toujours une dénonciation dont on peut hésiter sur le sens profond. Et du coup, la condamnation, même si elle est là, on la sent de part en part, on ne peut jamais l'isoler et la préciser véritablement. Alors c'est un roman qu'il a écrit très lentement, il s'y est même repris à plusieurs fois. Il faut dire que bon, c'est une époque où il se passe beaucoup de choses qui sont importantes pour lui et qui le sollicitent. Il y a aussi un contexte littéraire qui est bien présent avec son rival Asturias, qui a eu le prix Nobel avant lui en 1967. Et il se met d'ailleurs, Garcia Marquez, à écrire L'automne du patriarche avec l'idée d'apprendre à l'auteur de Monsieur le Président, donc Asturias, comment écrire un vrai roman sur un dictateur. Ça vous inspire quelque chose, ça? Cette lenteur à produire une œuvre comme celle-ci, qui est une œuvre courte finalement par rapport au grand roman de plus de 500 pages, là on est dans à peu près 250 pages, mais elle s'explique autrement, c'est qu'il y a une richesse de la langue et du travail poétique de la langue qui est à mon avis inégalé dans tous les autres textes que j'ai pu lire de Garcia Marquez. Alors on retrouve cette touche, cette coloration poétique, magique dans d'autres œuvres. Mais là, à mon avis, il y a effectivement une espèce de limite supérieure qui est atteinte et qui nécessairement a pris beaucoup de temps pour ciseler. C'est un véritable joyau, c'est un feu d'artifice ce roman. Alors, il est exceptionnel. Écoutons-en un premier extrait. La première fois qu'on le découvrit au début de son automne, la nation était encore assez vivante pour qu'il se sentît menacé de mort jusque dans la solitude de son alcôve. Autrefois, à l'époque de l'occupation des marines, il s'enfermait dans son bureau pour décider du destin de la patrie avec le commandant des troupes de débarquement et il signait toutes sortes de lois et d'arrêtés en appuyant son pouce sur le papier car il ne savait alors ni lire ni écrire. Mais quand on le laissa à nouveau seul avec la patrie et le pouvoir, il ne voulut plus se faire de bile pour la loi écrite qui est une belle connerie et il se mit à gouverner de vive voix et en personne à tout écouteurs et partout, révélant une parcimonie cavernaire, mais aussi une diligence inimaginable chez un homme de son âge, harcelé par une foule de lépreux, d'aveugles et de paralytiques qui le suppliaient de recevoir de ses mains le sel de la santé, et par des politiciens lettrés et des adulateurs sans vergogne qui le proclamaient grand chef des tremblements de terre, des éclipses, des années bissextiles et autres bévues de Dieu. Il traînait dans toute la maison ses grosses pattes d'éléphant, marchant dans la neige, tandis qu'il résolvait affaires d'État et problèmes domestiques avec la même simplicité qu'il ordonnait « Enlevez-moi cette porte d'ici et mettez-la là », on l'enlevait, remettez-la ici, on la remettait, retardez l'horloge, qu'elle ne sonne pas midi à midi, mais à 2 heures, pour que la vie paraisse plus longue, on la retardait, sans un instant d'hésitation, sans une pause, sauf à l'heure mortelle de la sieste, où il se réfugiait dans la pénombre des concubines, en choisissait une en sautant dessus, sans la déshabiller, ni se déshabiller, sans même fermer la porte, et on entendait alors son halètement sans cœur de mari en rut, le tintement saccadé de l'éperon d'or, ses pleurnicheries de petits toutous, la panique de la femme qui gaspillait son temps d'amour à essayer d'écarter les regards sales de ses rejetons au-dessus d'elle, ses cris de « foutez-moi le camp, allez jouer dans la cour, c'est pas un spectacle pour les enfants ». Et c'était comme si un ange avait traversé le ciel de la patrie. Les cris s'atténuaient, la vie s'arrêtait, tout le monde restait pétrifié, un index aux lèvres, sans respirer. Silence. Le général tire son coup. Michel Villar, c'est une lecture de Michel Villar-Mauss. J'avais envie de vous demander, Rémy Astruc, si on pouvait résumer finalement le roman L'automne du patriarche, mais c'est peut-être une question impossible, parce que peut-être qu'on peut définir ce roman, mais est-ce qu'on peut aussi le résumer ? Oui, moi je voudrais le résumer par un pas de côté peut-être, parce qu'il me semble que c'est à la fois un pas de côté et être exactement dedans. C'est un roman aquatique. Aquatique ? Oui, c'est un univers marin, ou plutôt même un marigot, pourrissant, qui est donc la métaphore de l'état d'un pays et d'un peuple qui subit la dictature depuis un temps immémorial. Alors ça donne des images incroyablement poétiques de vagues, de ressacs, d'odeurs de varech, d'odeurs excrémentielles aussi, et d'une espèce de coloration trouble, verdâtre, dans lequel est plongé entièrement cet univers et cet homme sur lequel poussent d'ailleurs des lichens et d'autres parasites marins. Et qui fait des cailles aussi. Voilà, sur lequel on trouve des écailles d'alose. Tout ça sent très mauvais, c'est ça. Et tout ça sent très mauvais, effectivement. Donc là, il y a la puissance de l'image qui est très très forte. Et je crois donc que c'est un roman du marécage. Ouais. Est-ce qu'il faut avoir lu Joyce, avoir lu Virginia Woolf pour bien saisir ce roman? Ah, c'est une remarque intéressante. Effectivement, on ne peut pas séparer cet état d'arrivée de la littérature de ce qui en a sans doute constitué les prémices, effectivement, chez Joyce, chez Virginia Woolf. Mmh. Dans l'extrait que vous avez fait entendre, notamment, qui n'était pas d'ailleurs un des plus lyriques, hein, il y a des passages beaucoup plus poétiques, notamment dans les déclarations d'amour absolument. Celui-là était plutôt drôle. Incroyable. Oui, tout à fait. Mais il y a des passages plus symptomatique de cette poétique particulière, hein, de cette façon de déployer cet univers en décomposition. On essaiera d'écouter d'autres extraits d'ici, la chronique. Donc c'est un portrait tout de même d'un tyran, ça on peut le dire sans risque de se tromper. García Márquez s'est inspiré de différents tyrans, et en particulier de tyrans sud-américains. Alors il y a Juan Vicente Gómez, il y a Trujillo, il y a peut-être aussi l'Espagne de Franco, même s'il connaissait un petit peu moins cette Espagne-là. En même temps, pendant cette période qu'on appelle le boom, il y avait un certain nombre d'artistes, d'écrivains dont il faisait partie, qui se trouvaient à Barcelone. Donc il y a un fond quand même qui est un fond historique ou même un fond d'actualité, Rémy Astruc, dans ce roman qui paraît pourtant hors du temps. Oui, bien sûr. Ancrage sud-américain, évidemment. Ancrage dans un environnement littéraire aussi de cette génération du boom, effectivement. Et à la fois, personne n'est visé nommément, même si beaucoup se reconnaîtront dans le portrait pourtant absolument irréel du dictateur. Mais précisément, il dépeint non pas un dictateur, mais l'état de la dictature, l'état de pourrissement de la dictature portée à son plus haut degré. Mmh. D'ailleurs, il n'a pas de nom, ce dictateur, ou alors il est peut-être cité une seule fois. Mais... Non, mais ce que je voulais dire, c'est que justement, ça va trouver des échos, peut-être inattendus à ce moment-là, dans d'autres espaces du monde, où on connaît le même type de... Alors, vous parliez de l'Espagne de Franco, bien sûr, où on pourra reconnaître, effectivement, un état de... Ce que la dictature fait au corps, aux opposants. Et on va le retrouver aussi en Afrique. C'est tout à fait étonnant de voir comment... Alors, l'influence de García Márquez sur des écrivains africains des années 80, par exemple, Sonny Labutansi, qui va être extrêmement imbibé de la puissance de Márquez pour écrire ses propres romans. Et puis très récemment, moi, quand je lisais les analyses d'Achille Mbembe sur le post-colonial et ce que fait la dictature aux peuples africains, donc là, on est dans les années 2000, et il décrit le corps grotesque exactement comme García Márquez l'a présenté dans l'automne du Patriarche. Mmh. Donc on n'est pas dans la dénonciation de quelque chose qui existerait, qu'on pourrait nommer, qu'on pourrait identifier. D'ailleurs, le nom du pays dans lequel se passe le roman n'est pas donné. Mais c'est une espèce de gigantesque métaphore de la dictature, de toute dictature. De toute dictature. Est-ce qu'on pourrait faire un roman comme ça, je ne sais pas, en Russie? Est-ce qu'on pourrait faire un roman comme ça en Chine? Est-ce qu'on pourrait faire un roman comme ça, alors là, je pousse encore un peu plus loin, mais dans l'Amérique de Donald Trump, vous avez travaillé sur Philip Ross. C'est le même système qui pourrait être mis en place. Oui, absolument. Enfin, je crois qu'à relire aujourd'hui l'Automne du Patriarche, les dérives de ce personnage sénile, sans éducation, semble régir la patrie de coup de gueule en coup de gueule, ça fait tristement résonner l'actualité que nous connaissons. Et c'est facile de voir un personnage, alors là pour le coup grotesque, comme Donald Trump, derrière les traits du général de l'Automne du Patriarche. Sauf que quand Donald Trump inaugure, une usine d'Harley-Davidson, c'est lui qui y va, c'est pas son double. Alors que dans l'Automne du Patriarche, il y a quelqu'un qui s'appelle Patricio Aragonés et qui est en fait le double du Patriarche. Si bien qu'on sait même pas très bien s'il existe ce Patriarche, puisqu'il y a toujours une espèce de sosie qui se déplace à sa place. Ouais, c'est une des aberrations précisément de la dictature qui, pour se maintenir, doit en permanence exhiber des corps et en même temps doit les protéger, parce que quand on les exhibe, on menace de... Le coup d'État n'est jamais très loin dans le roman. Et c'est un des subterfuges qui est trouvé par l'entourage finalement du colonel, c'est de placer un sosie à sa place dans les inaugurations de foires à travers le pays, et donc il se fera d'ailleurs assassiner avant le dictateur lui-même. Donc c'est une espèce de double qui sert de protection et puis qui diffracte cette image du pouvoir qui le rend insaisissable, qui le rend qui le dote d'ubiquité, évidemment, puisqu'il apparaît à différents endroits du pays au même moment, et du coup rend à la fois ce pouvoir omniprésent et insaisissable. C'est-à-dire qu'on sait plus où il est non plus. Alors quel est le rôle du peuple finalement dans ce roman? Est-ce qu'il existe comment existe-t-il plutôt? Alors le peuple, il est de façon intéressante, effectivement, à la fois absent et peut-être incarné par des pronoms personnels qui ne sont jamais identifiés à des personnes en particulier, des moments où le narrateur semble prendre la voix donc du Kidam, par exemple au moment de la découverte de du palais abandonné après la mort du dictateur. Et donc il y a un portrait en creux du peuple et qui est un portrait qui est pas très reluisant. Parce qu'il est très passif, ce peuple. Il est très passif, il se laisse aveugler par toutes les supercheries du pouvoir, et puis il est extrêmement lâche, surtout. Mmh. Il compose avec cette... cette omniprésence du pouvoir, mais parce qu'on lui fait avaler une couleuvre tellement énorme que, bon, il laisse faire. Mmh. Et le roman commence par la découverte de la vacance du pouvoir, puisque le dictateur est finalement décédé dans son sommeil, et depuis visiblement tellement d'années que le corps est complètement décrépit, mais tout le monde a cru qu'il était toujours au pouvoir, aux commandes, puisque la vie continuait, puisque on chantait toujours les mêmes valses le dimanche sur la place d'armes, qu'on vendait toujours des pansements à son effigie. Et donc le peuple, il est extrêmement passif, extrêmement lâche. Donc c'est bien un roman sur la représentation, sur les signes du pouvoir. C'est un roman sur la représentation et puis sur les effets concrets du pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir, quand il atteint sa limite extrême, il n'est plus contestable, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est très beau aussi ce que fait García Márquez, c'est qu'il montre que tous les signes qui pourraient montrer la vacance du pouvoir peuvent à la fois être interprétés, une espèce de lavage de cerveau, comme des signes qui montrent sa toute-puissance et sa subsistance, en quelque sorte, le fait qu'il subsiste encore. Donc même les signes, même le cadavre découvert, fait penser à ceux qui le découvrent que c'est peut-être un subterfuge du pouvoir et que le général va réapparaître, qui va à nouveau être encore plus puissant qu'auparavant. Donc il a complètement anesthésié le peuple et il a complètement dépourvu de toute raison. Y compris quand on voit sur le balcon du patriarche une vache. Là quand même on se dit qu'il y a un problème dans le palais du patriarche, le peuple se rend compte de quelque chose. Oui, c'est une image magnifique puisqu'effectivement la vacance du pouvoir après la mort du dictateur n'est découverte donc que bien des années plus tard par l'apparition au balcon présidentiel d'une vache, puisque les vaches ont envahi le palais et s'y sont installées depuis donc bien longtemps. Et donc voilà un signe, et même ce signe là le peuple n'arrive pas à l'interpréter comme un signe certain qu'il se passe quelque chose de bizarre. La deuxième fois qu'on le découvrit rongé par les charognards dans le même bureau, avec le même uniforme et dans la même position. Aucun d'entre nous n'était assez vieux pour se rappeler ce qui était arrivé la première fois, mais nous savions qu'aucune preuve de sa mort n'était évidente, étant donné qu'une vérité cache toujours une autre vérité. Les moins prudents eux-mêmes ne se fiaient pas aux apparences. On l'avait si souvent affirmé. L'épilepsie le ravageait, et il s'écroulait sur son trône en pleine audience, se tordant sous les convulsions et vomissant une écume de fiel. Et il avait perdu la voix à force de discourir, des ventriloques se dissimulant derrière les rideaux pour faire croire qu'il parlait. Et des écailles d'alose lui poussaient sur le corps pour le punir de sa perversité. Et dans la fraîcheur de décembre, sa hernie lui chantait musique et il ne pouvait se déplacer qu'à l'aide d'une chaise orthopédique dans laquelle il trimbalait sa roupette herniée. Et un fourgon militaire avait livré à minuit par la porte de service un cercueil avec des incrustations d'or et des torsades pourpres. Et quelqu'un avait vu Laetitia Nazareno fondre en larmes dans le jardin de la pluie. Pourtant, quand les rumeurs de sa mort semblaient les plus sûres, on le voyait paraître plus vivant et plus autoritaire que jamais, au moment le plus imprévu, pour imposer d'autres caps imprévisibles à notre destin. Une lecture par Renaud Bertin. Alors chaque chapitre commence par le problème de l'enterrement, même si le lecteur ne peut pas être certain que le corps trouvé soit bien celui du dictateur, ni même qu'il soit vraiment mort, ce dictateur, ce patriarche. En tout cas, la découverte du cadavre est racontée une bonne dizaine de fois au cours de ce roman. C'est même ce qui est principalement raconté, Rémy Astruc. Oui, c'est un roman du ressassement. Je disais que c'est un roman aquatique, c'est un roman du Marigot, et puis c'est aussi cette force poétique de, donc d'abord des phrases très longues, comme vous avez pu l'entendre. Et de plus en plus longues au fur et à mesure du roman d'ailleurs. De plus en plus longues, mais qui ramènent, qui charrient les mêmes thèmes, et qui charrient les mêmes scènes, les mêmes hallucinations en quelque sorte. Et notamment cette vision incompréhensible du dictateur mort, de son cadavre déchiqueté par les charognards et déjà en état de décomposition avancée. D'ailleurs, ce corps, on ne sait pas quel âge il a, parce que le temps de l'action est tellement gigantesque. C'est un roman qui se passe sur 200 ans, c'est ça ? Oui, le dictateur, donc sa vie réelle humaine est dédoublée avec une espèce de vie de légende hein, qui est le temps particulier du pouvoir, celui qui est censé n'avoir ni début ni fin. Et du coup, ce dictateur, on lui prête un âge entre 107 et 232 ans. Et plus personne, de ce fait, ne l'a connu véritablement, ne l'a jamais vu. Simplement, les parents, leurs parents leur ont raconté que leurs propres parents leur avaient raconté qu'ils avaient vu un jour la main du pouvoir sortir d'une limousine. Donc c'est un personnage proprement fantastique que le personnage du patriarche. Vous dites aussi... fantastique et fantasmatique aussi, hein, puisqu'il a, il a disparu, c'est devenu un fantôme, un spectre. Alors vous dites qu'en y regardant de plus près, ce portrait singulier du patriarche obéit à une double série, d'une part celle d'un vieillard crépusculaire, mais d'autre part celui d'un corps fantasmé du pouvoir. On est dans une espèce d'entre-deux qui est, vous l'expliquez très bien Rémi Astruc, l'un des traits essentiels de ce corps grotesque. Ouais, il est tiraillé dans deux directions opposées et le propre du grotesque, c'est précisément d'arriver à tenir ensemble une espèce d'impossibilité. Et c'est ça qui fait la magie, c'est ça qui fait le vertige qu'on a à lire ce texte. Donc on est à la fois face à un corps qui subit les assauts du temps, c'est un corps donc d'un personnage qui s'est maintenu à la tête de l'État toute sa vie durant, et donc qui devient un vieillard, hein, se rétrécit, se racornit, se féminise, devient une présence efféminée, effectivement. Et puis à côté de ça, donc plus il a vécu et plus il a gouverné, plus son corps même est entouré de légendes, comme cette légende qui veut que il commande aux éléments naturels, qu'il puisse ordonner au temps de s'arrêter, aux comètes de passer. Donc il y a ce corps qui est le corps du pouvoir même, qui doit s'installer dans une éternité. Et à la fois qui doit conjurer eh bien, les effets du temps sur le corps qui le porte. D'où ces effets de dédoublement aussi, le besoin de sosie, le besoin d'embaumer en quelque sorte vivant la personne du général. Donc on a bien compris que le corps de ce patriarche était une métaphore d'une dictature pourrissante, hein, d'un automne de dictature, d'une fin de dictature. Il n'y a pas que le corps du patriarche dont il est question, il y a aussi d'autres corps, notamment le corps des enfants suppliciés. Il y a beaucoup de corps suppliciés hein, d'ailleurs de manière générale dans ce livre. Oui, parce que c'est donc un roman qui est très drôle dans tout ce qui touche à cette décrépitude pitoyable du dictateur. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi un roman qui est tissé des atrocités commises par le dictateur et son équipe. Certaines d'ailleurs échappent au dictateur lui-même, parce que ce pouvoir, en fait, c'est une espèce de logique infernale qui fait que même quand le dictateur n'a pas décidé de sa politique, d'autres vont opter pour lui, pour une politique du pire, comme dans effectivement une scène qui raconte le supplice d'enfants qui avait été tiré au sort pour sortir les numéros à la loterie du général et qui sortait toujours le numéro qu'avait choisi le général. Raison pour laquelle il fallait aussi les éliminer parce que évidemment il y avait une tricherie pour que le numéro en quelque sorte comme par magie choisi par le général sorte à chaque fois, et donc ces pauvres enfants sont à l'insu même du général retirés à leurs parents et puis vont finalement être sauvagement assassinés pour camoufler précisément la supercherie. Ouais. Il y a aussi des personnes, des opposants découpés en morceaux. Enfin, il y a une cruauté qui est sans cesse en rapport avec le corps, qui est aussi très présente. Alors, ce qui est important peut-être à dire, puisqu'on approche du moment de la chronique, c'est qu'au fond, Garcia Marquez il nous explique que le dictateur, il est par définition une victime. Il est par définition malheureux. Il sème aussi le malheur, il fait des victimes. Mais c'est très étonnant et intéressant ce point de vue de Garcia Marquez sur le dictateur comme victime. Oui, parce que le corps du dictateur, ou le dictateur lui-même, est en quelque sorte une victime de cette logique terrifiante, terrible du pouvoir, qui va le martyriser également. De la même manière qu'effectivement les opposants ou ceux qui risqueraient d'être des opposants sont suppliciés, de la même manière, le dictateur lui-même est soumis à une vie de solitude, est soumis à une vie de tromperie, une vie où en fait il n'a pas de désir parce que on les a devancés pour lui et du coup il n'a pas la possibilité de jouir véritablement. Il n'y a pas d'amour, il n'y a même pas d'amour, peut-être d'amour. Un amour maternel vaguement dans le oui, enfin, c'est vrai que finalement le grand amour du patriarche, ça sera sa maman. Ouais. Qui restera, auquel il restera indéfectiblement attaché et qu'il essaiera de conserver son corps d'ailleurs de manière absolument horrible en le taxidermant. Il y a quand même quelque chose d'assez étonnant, c'est que derrière tout ça, il y a la personnalité de Garcia Marquez qui était quand même l'ami de Fidel Castro. Alors évidemment, Fidel Castro, c'est peut-être pas exactement le patriarche tel qu'il est représenté dans son livre, mais enfin, il y avait du grotesque aussi chez Fidel Castro. Oui, mais même simplement le fait de penser que quand Fidel Castro atteint par l'âge et la maladie doit se retirer, eh bien il y a un double de Fidel Castro qui est son frère qui prend le relais. Oui. Bon, ça c'était du Garcia Marquez. Puis les discours de 4-5 heures, il y avait quelque chose de tout à fait grotesque. Il n'y a pas une dissonance cognitive ici quand même qui se joue. Je sais pas. Puis c'est un portrait de la dictature. On la connaît depuis Ubu, cette dictature. C'est Ubu roi. C'est Ubu, le grand imbécile qui est Ubu, qui, plein de violence et justement de bêtises, va diriger par la terreur autour de lui. Merci beaucoup. Merci Rémi Astruc pour cette plongée dans l'automne du patriarche de Gabriel Garcia Marquez. Je rappelle votre livre qui nous a servi à préparer cette émission. Il s'intitule Vertige grotesque, esthétique du choc comique. Il apparaît chez Honoré Champion. Tout de suite, c'est En compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. En compagnie des revues, avec vous aujourd'hui, Marianne Payot, rédactrice en chef adjointe au magazine L'Express. Bonjour. Dans le livre dont vous voulez nous parler, il y a aussi l'ombre d'un dictateur, mais celui-là, c'est Bachar el-Assad. En effet, le pouvoir, la dictature, la mort sont autant de notions que la Syrienne Samaria Sbeck connaît malheureusement très bien, trop bien. Pour avoir participé à la révolte contre le régime de Bachar el-Assad, cette journaliste intellectuelle, laïque et démocrate est devenue une proie pour les extrémistes de tous bords. Réfugiée en France depuis l'été 2011, elle ne cesse depuis lors de témoigner. Après Feu croisé, son journal de la révolution syrienne, couronné par de nombreux prix dont le prix Oxfam aux Pays-Bas, Samaria Sbeck fonde en 2012 l'ONG Women for New Development qui vient en aide aux femmes et aux enfants syriens. Afin de superviser les actions de l'ONG, elle se rend clandestinement à 3 reprises en Syrie. De ses séjours, elle a tiré les portes du néant, un témoignage au plus près des populations et des combattants, des bombardements et de la lutte civile, des femmes et des enfants, des victimes et des bourreaux. Un livre qui a reçu le prix du meilleur livre étranger de 2016. Pourtant, rien ne semble atténuer ce sentiment de culpabilité. La fameuse culpabilité de l'exilé qui sait que son peuple continue de vivre l'horreur 7 ans après le début de la guerre civile. Et Samaria Sbeck continue donc de témoigner sur l'enfer syrien. Oui, c'est de cet enfer que la romancière et journaliste de 48 ans traite de nouveau, mais cette fois-ci par le biais de la parabole et de la fiction. Elle signe aujourd'hui chez Stock un roman sobrement intitulé La Marcheuse, roman traversé par la grâce et nourri par les éblouissements de son enfance, Ali au pays des merveilles, Le Petit Prince, ou encore le recueil de contes d'origine orientale Kalila et Dilma. Avec cette idée forte que les mots permettent de construire un monde meilleur, de repousser la laideur. La marcheuse et narratrice, c'est Rima, femme-enfant, frappée depuis ses 4 ans d'un double trouble. Telle une disciple de Socrate, elle va de l'avant, irrépressiblement, et telle la femme arabe, bâillonnée aussi bien par les hommes que par les religieux, elle a perdu l'usage de la langue. Alors, pour la préserver de tous les dangers, sa mère l'attache, au pied du lit ou à son propre poignet, jusqu'à ce que le lien se défasse à l'un des barrages tenus par les agents des services secrets du régime. Ces checkpoints dangereux, humiliants, qu'elle a elle-même subis, Samaria Sbeck les décrit à merveille. Comme elle dit aussi avec force et précision, la peur des obus et des barils d'explosifs qui tombent tout autour de soi. cette peur qui creuse des ravines dans le corps, reste en soi, écrit-elle, de façon indélébile, malgré le courage et la raison. Alors qu'est-ce qui l'advient justement à Rima, la femme enfant de Damas, qui est donc la narratrice de ce roman ? Après la disparition au barrage de sa mère, tuée par erreur, la jeune Rima entame une descente aux enfers. D'un hôpital-prison qui résonne des hurlements et pleurs des Syriens torturés, jusqu'aux scènes apocalyptiques de largage par le régime des gaz asphyxiants sur la population en périphérie de Damas. Pour décrire ces scènes, Sarmar Yazbek s'est inspiré, apprend-on, des documents de l'avocate et militante Razan Zaitouna, disparue en décembre 2013 et à qui elle dédie son livre. Cette même Razan Zaitouna, dont Justine Augier dressa le beau portrait dans « De l'ardeur » publié par Actes Sud, prix Renaudot Essai 2017. Tout sonne juste dans La Marcheuse, jusqu'au plus petit détail de la vie quotidienne dans les décombres. C'est que Sarmar Yazbek n'a cessé d'interviewer nombre d'exilés syriens à travers toute l'Europe, afin de témoigner à la face du monde et d'éviter que le temps n'efface la mémoire. Ces femmes exilées lui ont aussi raconté la tentation de la mort, synonyme de paix et de repos face à la désolation, tentation très présente dans ce roman. Mais La Marcheuse n'est pas que bruit et fureur, car même du fin fond de son souterrain, Rima, la narratrice, telle l'Alice de Lewis Carroll, sait que de l'autre côté du miroir demeure la beauté d'un dessin, le rire des enfants, le bleu du ciel, la pureté d'une voix, je cite, « capable de faire pleurer la pierre ». Pour Sarmar Yazbek, le combat continue toujours. Voilà, Sarmar Yazbek, La Marcheuse, c'est chez Stock. Merci beaucoup Marianne Payot. Je donne rendez-vous à nos auditeurs dans les pages livres du magazine L'Express. La Compagnie des auteurs sur France Culture, et pour continuer à parler de Gabriel Garcia Marquez et de son recueil de nouvelles Les Funérailles de la Grande Mémé, nous sommes à présent en compagnie de Vincent Message, écrivain, maître de conférences en littérature générale et comparée à l'Université Paris 8. Il a publié deux romans, Les Veilleurs et Défaite des Maîtres et Possesseurs. C'est aux éditions du Seuil. On commence par un extrait donc de ces funérailles, lu ici par Gérard Lartigot. Et voici maintenant, incrédule du monde entier, l'histoire véridique de la grande Mémé, souveraine absolue du royaume de Macondo, qui gouverna sur ses domaines durant 92 ans et mourut en odeur de sainteté un mardi du dernier mois de septembre, et aux funérailles de laquelle assista le Saint-Père en personne. Maintenant, oui, l'heure est venue d'appuyer un tabouret contre la porte de la rue et de raconter par le menu les détails de cette commotion nationale sans laisser aux historiens le temps de venir y mettre leur nez. Donc, il y a de cela 14 semaines, après d'interminables nuits de cataplasmes, de sinapismes, de ventouses, abattue par la délirante agonie, la grande Mémé demanda à être assise dans son vieux rocking chair de liane afin d'exprimer ses dernières volontés. C'était la seule formalité qu'elle devait encore remplir avant de mourir. Ce matin-là, par l'intermédiaire du père Antonio Isabel, elle avait réglé les affaires de son âme et ne lui restait plus qu'à régler celle des coffres avec les 9 neveux, ses légataires universels, qui veillaient autour de son lit. Nicanor, l'aîné des neveux, un géant des bois, tenue kaki, bottes à éperons et revolver 38 mm à canon long sanglé sous la chemise, alla chercher le notaire. L'énorme demeure à 2 étages qui sentait la mélasse et la marjolaine, avec ses pièces obscures bourrées de coffres et de bricoles, de 4 générations tombées en poussière, vivait figé depuis une semaine dans l'attente de ce moment. Bonjour Vincent Message. Bonjour. Alors on va présenter avec vous ce livre, Les Funérailles de la Grande Mémé. Il faut dire d'abord que c'est donc un recueil de nouvelles, peut-être de contes. Quel mot préférez-vous ? Oui, c'est des nouvelles. Alors, le réalisme magique a toujours à voir avec le conte, hein, donc c'est vrai qu'on n'en est pas non plus très loin. Et on est dans la phase de préparation de 100 ans de solitude. Ça paraît 5 ans avant, en 62. Alors là, pour le coup, on est vraiment dans un continuum entre ces deux livres-là. Très net, puisque ça se passe déjà à Macondo, hein, donc ce village inspiré de Aracataca. Hein, donc on est en Colombie, mais côté Caraïbes, côté Atlantique, loin de la capitale. Et c'est le domaine dont Garcia Marquez, livre après livre, va faire son lieu de fiction de prédilection, en marquant l'importance de ce qui est au fond un patelin, hein, vraiment un trou paumé écrasé par la chaleur. Alors le principe du recueil, c'est que les nouvelles se répondent et les personnages sont récurrents. Donc celui qui est personnage secondaire, comme par exemple ce père Antonio Isabelle, là qu'on voit dans la phrase qui a été dite, va revenir comme personnage principal d'une autre nouvelle, etc. En ça, Garcia Marquez est assez proche du principe qu'adopte avant lui Faulkner, qu'il a beaucoup lu, hein, qui est dessiner un timbre-poste dans un territoire qu'on connaît bien, par expérience personnelle, par expérience directe, et puis entrecroiser les destins, les fils des différents personnages qui y habitent. Donc on est dans la description d'un quotidien sous lequel émerge la magie, comme ce sera aussi le cas dans « Cent ans de solitude ». Oui, alors on peut un peu repréciser ce que c'est que le réalisme magique, puisque beaucoup de gens connaissent la formule, mais finalement, en quoi ça consiste? C'est un univers géographique et historique reconnaissable, on voit à peu près où ça se passe et on sait en quel siècle ça se passe, mais ensuite avec des événements évidemment surnaturels, des lévitations, des longévités impossibles, des pouvoirs magiques, etc. Ce qui, à la différence de ce qui se passerait dans un récit fantastique, ne suscite pas forcément de troubles chez les personnages et pas non plus chez le narrateur. C'est-à-dire le narrateur reste placide. S'il est dit que la grande mémé dirige les pluies d'hier et d'aujourd'hui, ou a tout pouvoir sur les années bissextiles, et ça, c'est aussi le cas du dictateur ensuite de l'automne du patriarche, on voit comment Garcia Marquez travaille des obsessions, et bien tout ça ne va pas susciter de réaction d'incrédulité de la part des villageois. Mmh. Et donc c'est ça, une partie de l'enchantement du réalisme magique tient au fait que le surnaturel est accepté comme allant de soi, comme étant quotidien. Est-ce que Garcia Marquez vous semble le père du réalisme magique, ou autrement dit, qu'est-ce qui permet finalement l'apparition en Amérique latine à ce moment-là du courant que vous venez de décrire ? Bon, il y a des antécédents, hein, et notamment chez l'auteur cubain Aero Carpentier, qui a passé beaucoup de temps aussi en France, et puis qui décrit plutôt soit Cuba, soit Haïti, hein, dans ses romans. Carpentier parle plutôt de réalisme merveilleux. La formule n'est pas si loin de réel merveilleux, réel maravilloso, qui voit comme symptomatique d'un continent excessif, c'est-à-dire d'un continent où des choses qui ne sont pas croyables quand on les dit comme ça arrivent en fait, sont des événements historiques. Garcia Marquez va évidemment appuyer cela, peut-être à la différence de Carpentier, en tout cas dans les livres dont on parle là, Les funérailles de la grande mémé ou ensuite Cent ans de solitude, avec moins de sens, avec un tragique qui est moins au premier plan, c'est-à-dire c'est quand même une littérature de charme et d'envoûtement. Où même ce qui arrive de grave ou de terrible historiquement, par exemple les massacres dans la bananeraie de 100 ans de solitude liés à la compagnie United Fruits, n'empêchent pas la beauté en fait. Mmh. Alors que chez Carpentier, ça peut être, le tragique peut parfois plus prendre le devant. Alors cette grande mémé, parlons-en un petit peu, c'est quand même un personnage fascinant. Elle va mourir bientôt, elle fait ses dernières volontés. Pourquoi est-ce que c'est autour de ce personnage que s'organise cette nouvelle-là? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est aussi une forme de dictatrice, hein, simplement. Au lieu de régner sur tout un pays, elle règne sur un village. Alors la nouvelle a un déploiement très, très singulier et très extraordinaire, puisque au début on a l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est destiné à rester confiné dans la presse locale. Puis ensuite on se rend compte qu'en fait, le président du pays la connaît et va décréter un deuil national de 9 jours. Et puis ensuite la nouvelle parvient au Vatican. Et le pape, toutes affaires cessantes, qui se rappelle de la grande mémé, puisqu'on lui avait donné une photo d'elle lors de son accession au trône papal, décide de venir. Alors il vient pas en avion, il vient en gondole, il vient en une nuit, et sur cette gondole, il s'entasse des provisions et d'autres gens qui veulent assister aux funérailles. Et comme ça a été dit dans l'extrait qui a été lu, Ensuite, il faut que les villageois débriefent ça comme ils le feraient de façon beaucoup plus quotidienne. C'est-à-dire, ça retombe et il ne reste plus que des tabourets dans la rue où, avant que les historiens ne s'en emparent, on va se raconter cette histoire. Donc, il y a une disproportion. C'est une figure locale, mais qui fait brusquement l'objet d'une attention sans raison, mondiale. En fait. Évidemment, sans raison apparente. Sans raison apparente. Et donc, sans doute, d'une façon qui tient à ses pouvoirs magiques. Alors, il faut quand même savoir que García Márquez s'inspire d'une figure réelle, la marquesida de la CRP, sur laquelle il a écrit comme journaliste, puisque sa pratique de romancier se nourrit quand même de sa pratique de chroniqueur pour les journaux. Il avait écrit un article là-dessus en 52. C'était quelqu'un qui régnait comme ça sur une ancienne encomienda, c'est-à-dire ces grandes propriétés foncières que les conquistadors se sont réparties au détriment des populations indiennes lors de la conquête. Et qui était aussi une figure de légende, c'est-à-dire qu'elle a vraiment existé, mais on lui prêtait un don d'ubiquité, le don de marcher sur les eaux, etc. Donc ce tissage entre le réel et l'imaginaire qu'il reprend, il le reprend bien sûr, ça a été dit hier, hein, aux traditions populaires, à ce que lui racontait notamment sa grand-mère. Mais il y a sans doute aussi une volonté de montrer que même le patelin le plus paumé a le droit à l'attention, a le droit d'être raconté, a le droit d'entrer dans la République mondiale des lettres, puisque c'est ça que fait García Márquez. Il est le premier écrivain colombien vraiment qui bénéficie d'une reconnaissance internationale forte. Il met la Colombie sur la scène, sur la carte de la littérature mondiale. Donc c'est ça que ça signifie, cette espèce de rapport de l'ultra local avec l'ultra mondial, de la grande mémé dans son rocking chair sous son Porsche avec le pape. C'est une aspiration à la reconnaissance de tous, y compris dans les coins les plus reculés du monde. Ou est-ce que c'est encore davantage que cela pour García Márquez? En tout cas, c'est une des lectures possibles. Hein. Je vous lis juste une phrase qui me paraît caractéristique de ça. Quand elle s'asseyait le soir sur son balcon pour y prendre le frais, avec tout le poids de ses viscères et de son autorité, affalée dans son vieux rocking chair de liane, elle paraissait en vérité, bon, et là on aurait envie de dire, comme une mémé, comme il y en a dans tous les villages du monde. Et García Márquez continue, elle paraissait en vérité infiniment riche et puissante, la matrone la plus riche et la plus puissante du monde. Donc il y a quelque chose d'important là-dedans qui est que pour lui, il n'y a pas de vie minuscule. Il a été envoyé en Europe pour couvrir les funérailles de Pie XII. Et il a attendu longtemps parce que Pie XII mettait du temps à mourir. Et il imagine l'inverse, que le pape vient couvrir les funérailles de la grande mémé. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors Vincent, message, au fond, les funérailles de la grande mémé, et on le comprend dans ce que vous venez de nous dire, sont arrangées du côté des romans pluralistes, parce que vous avez écrit un essai qui s'appelle justement Les romans pluralistes, où on ne trouve pas Gabriel García Márquez, mais avec ce que vous venez de nous expliquer, finalement, on se dit que vous auriez pu l'y mettre dans cet essai. Oui, alors c'est un essai de théorie et d'esthétique du roman qui s'intéressait à des œuvres. Celle de Carlos Fuentes, qui est un ami proche de García Márquez, celle de Salman Rushdie, qui a beaucoup lu Márquez aussi, et d'autres encore, qui mettent en scène Glissant aussi. Glissant, voilà, auteur caribéen, donc également baignant dans le même esprit, qui mettent en scène des sociétés qui sont déchirées par des conflits de valeurs, où les gens n'ont pas les mêmes manières de voir le monde, les mêmes idéologies, les mêmes valeurs religieuses, etc., et où ça crée évidemment des tensions que les romans représentent. Donc il y a du postcolonialisme forcément dans ces romans-là? C'est souvent lié à des hybridités culturelles, c'est-à-dire à des cohabitations entre des groupes qui n'ont pas les mêmes origines ethniques ou qui n'ont pas la même histoire sur un territoire donné. Alors si j'ai pas mis García Márquez au centre de cet essai, mais pour moi c'est pas une catégorie au bord strict et tranchant, c'est plutôt une sorte de pôle d'attraction autour duquel les auteurs gravitent, ils s'en éloignent, ils s'en approchent, etc. La différence, c'est que García Márquez me paraît s'intéresser souvent, en tout cas dans les romans de la période dont on parle là, à des petits collectifs. C'est-à-dire, c'est le village. Donc au fond, tout le monde se connaît. il y a des ragots, tout le monde sait l'histoire de tout le monde. Dans les funérailles de la grande mémé, par exemple, il y a une histoire de vol et la nouvelle s'appelle « Il n'y a pas de voleur dans ce village » parce qu'on a l'impression que personne n'est inconnu, personne n'est vraiment différent. Et l'arrivée des étrangers, c'est par exemple les gitans hein, dans « Cent ans de solitude », Melquiades, personnage fascinant, est toujours vu comme une intrusion. Donc c'est des réalités qui sont moins cosmopolites peut-être que celles des sociétés pluralistes, mais en même temps García Márquez, lui dans son expérience biographique, il a connu plusieurs mondes puisque cette Colombie de la côte caribéenne, elle s'est opposée pour lui à Bogota, à la capitale, ensuite il y a eu des exils successifs au Mexique, en France, il a vécu à Barcelone aussi, donc évidemment qu'il est attaché à voir comment un nous qui a l'air peut-être comme ça, un petit collectif villageois, peut aussi se rattacher au voyage, au monde et à la grande histoire. Donc c'est un écrivain de la mondialisation, d'une certaine façon ? Dans cette génération-là, ils sont nombreux à être partis d'un lieu très précis et à s'être mondialisés progressivement, hein, glissant dans ses premiers textes, il parle de la Martinique, et puis à la fin, il écrit un roman qui s'appelle « Tout monde ». Donc c'est un peu le même mouvement, on est d'abord l'enfant. C'est une mondialisation heureuse ou malheureuse pour le coup ? Chez García Márquez, je disais, il n'y a pas de tragique fort. Il me semble que c'est quand même un auteur assez idéaliste. Il reprend l'idéalisme qui était aussi celui de romancier du 19e en France, hein, Dumas ou Hugo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnage fondamentalement méchant. Ça a été bien dit par Rémy Astruc tout à l'heure. Même le dictateur, on peut comprendre en quoi il est victime, en quoi il est pitoyable, en quoi il est digne d'empathie. Et c'est une des raisons du charme et de l'envoûtement chez García Márquez, c'est que c'est d'abord des individus qui sont d'abord des corps et des corps mus par des désirs, pas tellement forcément par des idées ou des idéologies. Et tous ces corps sont légitimes. On voit bien en quoi leur vie est contrainte, leur vie est complexe, leur vie est parfois malheureuse. Mais du coup, il y a une tendresse pour les faiblesses humaines, chez qui que ce soit qu'elles apparaissent, du curé le plus bigot à la petite dictatrice locale, au grand général meurtrier. Et vous, alors, dans votre pratique d'écrivain, Vincent Message, et dans votre pratique de lecteur aussi, quelle est la place de García Márquez ? Ouais, moi, ça fait une quinzaine d'années que je le lis et il a été important parce que, en voulant écrire du roman, quand j'ai commencé à écrire, disons dans les années 2004-2005, en France, la succession des avant-gardes avait quand même mis en crise le roman. Hein, c'est-à-dire, il n'y a pas chez García Márquez et dans la littérature latino-américaine de croyance, comme il y a pu y avoir en France, en une mort du roman, ou en une crise de l'intrigue, du narratif, du désir de raconter des histoires. Au contraire, c'est des années où lui, Carlos Fuentes que j'ai cité, mais ça vaut aussi si on sort des frontières françaises hein, chez Günter Grass ou en Inde chez Rushdie, il a au contraire affiché la flamboyance du récit. C'est-à-dire que en France, il y avait l'idée que on avait du mal à être critique dans le roman, parce que le roman était quand même une forme d'opium, où on se faisait plaisir en oubliant la réalité. Et ces auteurs-là, et donc Márquez en fait partie, montrent qu'on peut tenir probablement les deux, c'est-à-dire tenir le tragique de l'histoire coloniale, de la domination masculine, toutes les formes de tragique, et en même temps tenir le plaisir du texte et le plaisir de l'intrigue jusque dans ses détails fins, jusque dans sa menuiserie complexe. Mais lui n'est sans doute pas un lecteur de nouveaux romans, García Márquez. J'imagine qu'il a dû passer par là, puisqu'il a vécu en France à la fin des années 50. Hein, donc, c'était quelqu'un qui s'intéressait à tout. Mais dans sa période de dénuement parisien, il ravivait plutôt la tradition rabelaisienne. Je pense que son accroche avec la littérature française, elle passe aussi par Rabelais, c'est-à-dire cette primauté de l'énergie et du corps. Mais les Français adorent García Márquez, bon, le monde entier adore García Márquez, mais peut-être les Français en particulier. Est-ce que c'est, selon vous, cette réception qu'il a eue en France liée justement au fait que c'est en France aussi qu'on a inventé le nouveau roman et donc qu'on a apprécié cette anti-littérature-là, d'une certaine façon. Ce qui est beau dans la littérature, c'est justement de pouvoir aller dans des directions très différentes et qu'on chacune leur légitimité. C'est pour ça que moi je tiens à cette notion de pluralisme, c'est parce que je ne crois pas qu'il faille valoriser un genre plutôt qu'un autre. Donc le nouveau roman a eu des très belles réussites, mais c'est sûr que se dire qu'à la même époque, des gens comme Grasse ou Garcia Marquez ont pu inventer quelque chose de tout à fait différent, partant parfois des mêmes constats sur qu'est-ce qu'on fait du réel historique horrible du XXe siècle, de la colonisation et de la Deuxième Guerre mondiale, mais comment ensuite on le transcende et on le sublime par la fiction. C'est cette diversité des approches, moi, que je trouve très belle. Alors ça, c'était la partie Vincent Message lecteur. Il nous reste une minute pour faire Vincent Message écrivain. Qu'est-ce qu'il a appris, cet écrivain de Garcia Marquez ? Moi, dans mon premier roman, Les Veilleurs, il y avait une figure de conteur, de quelqu'un qui raconte ses rêves et qui, à travers les récits de ses rêves, essaye d'expliquer pourquoi il est tombé dans la violence, pourquoi un matin dans la rue, il a tué plusieurs personnes au pistolet. Et avec donc l'idée que le conte se poursuit de veiller en veiller. Et j'ai retenu sans doute de Garcia Marquez cette importance-là, de la parole orale comme une parole complexe, comme une parole digressive, etc. Avec simplement, c'est là où je voulais aussi me situer, là d'où je parlais, c'est-à-dire depuis la France, un doute plus fort des personnages qui entourent cette figure de meurtrier qui raconte, un doute plus cartésien sur est-ce qu'il est en train de nous embobiner ou est-ce qu'il est en train de nous dire des choses qui correspondent au réel. Chez Garcia Marquez, les personnages se laissent embarquer et doutent moins. Mmh. Donc, je pense qu'on se situe toujours, non pas juste dans la reprise, mais dans le pas de côté par rapport à une influence comme ça qu'on peut apprécier. Il y a un nom d'écrivain comme ça, contemporain, qui vous vient et qui serait pour vous un enfant de Garcia Marquez ? Dans le domaine français, un très grand écrivain qui n'est pas lu assez, même s'il est connu, qui est Antoine Volodine. Merci beaucoup Vincent Message, je signale donc outre vos romans et notamment Défaite des maîtres et possesseurs publié au Seuil en 2016 et l'autre roman dont le nom m'échappe tout de suite, Les Veilleurs, le livre que vous avez publié qui s'appelle Romancier pluraliste, toujours au Seuil, c'était en 2016. Demain, nous continuons à parler de Gabriel Garcia Marquez en abordant la biographie de l'œuvre et d'autres de ses grands romans, comme bien sûr Cent ans de solitude, roman sur lequel on reviendra. Ce sera avec Caroline Lepage de l'Université de Poitiers. Mais tout de suite, sur France Culture, c'est le moment de retrouver la poésie et c'est avec Jacques Bonafé. Bonjour à tous, bonjour Mathieu. Bon, allez, cette fois sans bavardage, j'ai très envie de lire. Très, très envie tout de suite, là. Commencer. Comment commencer? Comme dit Bernard Lubâtre, comment semencer? Au risque de tout précipiter. Non, reprendre d'abord des airs aimés. Constituer le nid d'abord. Ambiancer, puis commencer. Ou reprendre au commencement. Songe un peu au soleil de ta jeunesse. Celui qui brillait quand tu avais 10 ans. Pierre-Jean Jouve songe dans « Mystérieuses noces ». Étonnement, te souviens-tu du soleil de ta jeunesse ? Si tu fixes bien tes yeux, si tu les rétrécis, tu peux encore l'apercevoir. Il était rose, il occupait la moitié du ciel. Tu pouvais, toi, le regarder en face. Étonnement, mais quoi, c'était si naturel ? Il avait une couleur, il avait une danse, il avait un désir. Il avait une chaleur, une facilité extraordinaire. Il t'aimait. Tout cela que parfois, au milieu de ton âge, et courant dans le train le long des forêts au matin, tu as cru imaginer en toi-même, c'est dans le cœur que sont rangés les vieux soleils, car là, il n'a pas bougé. Voilà ce soleil. Mais oui, il est là. J'ai vécu, j'ai régné, j'ai éclairé par un si grand soleil. Hélas, il est mort. Hélas, il n'a jamais été. Oh, ce soleil, dis-tu. Et pourtant ta jeunesse était malheureuse. Poème qui m'a été transmis par une anthologie de Bernard Chambaz, je me dois de l'avouer. Anis Koltz, pour refaire notre nid, un poème de l'an dernier. Anis Koltz dans Somnambule du jour. Si seulement il m'était donné de me regarder, de me comprendre, de me posséder, ce n'est pas mon existence que je vis. Je suis différente de moi, fondamentalement. Voilà, ça vient. On se remet dans ses poésies, ça revient, ça remonte. Sois tranquille, poème de Philippe Jacotet. Sois tranquille, cela viendra. Tu te rapproches, tu brûles, car le mot qui sera à la fin du poème, plus que le premier, se rapproche de ta mort, qui ne s'arrête pas en chemin. Ne crois pas qu'elle va s'endormir sous les branches ou reprendre souffle pendant que tu écris. Même quand tu bois à la bouche qui étanche la pire soif, la douce bouche avec ses cris doux, même quand tu serres avec force le nid de vos quatre bras pour être bien immobile dans la brûlante obscurité de ses cheveux, elle vient, Dieu sait par quel détour, vers vous deux. De très loin ou déjà tout près, mais sois tranquille, elle vient. D'un à l'autre mot, tu es plus vieux. Merci Jacques Bonafé, vous nous lisiez des poèmes de Pierre Lanjouve tirés du recueil Mystérieuses Noces.